Chapitre 30e. Il pleuvait toujours quand la petite colonie quitta Cortina, afin de se rendre dans les environs de Riva, où l'on avait trouvé un abri provisoire pour les enfants. Il pleuvait quand le train qui avait amené à Paris Boyne et Judith entra en gare. De tout ce voyage, Boyne ne put se rappeler que la pluie, toujours la pluie. Mais il avait bien autre chose à penser. Il en oubliait même son ravage intérieur. Il avait fallu, d'abord, décider la jeune fille et l'empêcher de se mettre définitivement dans son tort. Puis, il restait à prendre un parti au sujet du reste de la bande. Une fois convaincue, elle s'était retrouvée à la hauteur des événements. Il n'était pas prudent de laisser les petits à Cortina ou la princesse ou Lady Range pourraient profiter de son absence pour rasier la pension. Il fallut 3 jours de recherche pour découvrir dans les environs de Riva une installation provisoire à l'abri des représailles d'un parent. Boyne brouillait la piste en laissant à la patronne de Rosenglu l'adresse de la banque parisienne de Madame Wetter et en lui demandant à entendre que Judith allait à Paris préparer tout pour les enfants. Blanca et Terry, qui étaient sous le charme de Conan Doyle, achevèrent de l'égarer par une profusion de détails fantaisistes. Le départ et l'installation des petits ne laissèrent pas une minute à Boyne et à la jeune fille. D'ailleurs, Judith prenait autant de plaisir que les jumeaux au côté secret de l'aventure. « Il faudrait Sherlock Holmes, au moins, pour nous filer, » dit-elle en riant à Boyne en montant avec lui derrière Chip et la bonne dans l'express de Paris à la gare de Vérone. Une fois dans le train, Boyne revit sur sa figure un nuage d'inquiétude, mais la fatigue vint à son secours et elle s'endormit sur l'épaule de Boyne aussi paisiblement que son petit frère sur les genoux de sa bonne. Et il se rappelait le pique-nique de M. Daubry, le jour où il la regardait dormir près de la cascade, le rouge aux joues, avec sous les paupières des ombres veloutées. À présent, elle avait le visage creusé, les paupières gonflées par les larmes des adieux, plus lointaine que jamais, quoiqu'elle eût encore tellement besoin de son appui, et cette pensée faisait entrer en lui quelque chose de doux et de tranquille. Il avait vu briller devant lui un bonheur impossible, dont ses yeux demeuraient à jamais éblouis. Mais le devoir de prêter aide à la jeune fille contenait sa douleur dans cette région profonde de l'âme où se font les grands sacrifices. Après avoir conduit Madame Wetter, venue au-devant de sa fille et Judith au nouveau luxe, le palace où Joyce était descendu, il se dirigea vers son modeste hôtel de la rive gauche où il lui tardait de réfléchir sur la situation. Rose était encore à Paris, mais il ne voulait s'annoncer à elle que le lendemain. En attendant, il fallait imaginer un plan, tâcher de voir clair en lui-même. Soudain, il se décida à brusquer les choses et entra dans un bureau de poste pour téléphoner à Madame Sellers. Il surprit le frémissement joyeux de sa voix quand elle répondit à son appel. Elle ne fit pas une question, simplement, tranquillement, elle lui dit « Venez vite ». Il courut à son hôtel, rue de Rivoli, et quelques minutes plus tard, il se trouvait dans le salon de son appartement. Elle parut mince, gracieuse, avec cette tournure toujours si jeune, un peu pâlie peut-être et un peu maigrie, et toujours cet empire qu'elle avait sur elle-même. Combien elle pouvait mieux se passer de lui que la pauvre enfant qu'il venait de quitter. « Me voilà, » dit-il, « je n'ai pas réussi. » Il venait demander pardon à celle dont il se considérait encore comme le fiancé, et sa première parole, après une absence inexcusable, était pour lui rappeler la cause de leur rupture. Il vit les lèvres de Rose se pincer. Ce ne fut qu'un éclair. Déjà, elle disait « Vite, racontez-moi tout. J'ai hâte de savoir. » Comme elle faisait le geste d'allumer une lampe de table, il aperçut des fils d'argent qui couraient sur ses tempes. Il lui sembla qu'il y avait des années qu'il ne l'avait vue. C'était un étranger qui revenait vers elle. « Vous m'avez pardonné ?» dit-il. Elle le regarda gravement. « Qu'est-ce que j'avais à vous pardonner ?»« Bien des choses, vous le savez bien. » dit-il avec confusion. Elle secoua la tête. « Vous êtes libre, je vous l'ai dit. Nous causons comme une paire d'amis. Asseyez-vous là. Bien. » Elle lui désigna un fauteuil, s'assit en face de lui. À la lumière, sous les tempes grisonnantes, le visage aussi paraissait vieilli, changé comme sa chevelure. « Je me fais l'effet d'un revenant, » dit-il. « Heureusement que non, vous me feriez peur. Eh bien. » Il parcourait des yeux la pièce réjouie par une flamme aimable. Il vit la corbeille à ouvrage près de la cheminée, les livres entassés sur la table et un amas bien connu de lettres sur le bureau voisin de la fenêtre. « Si, un vrai revenant, » répéta-t-il. Elle laissa passer un moment et dit « Je voudrais savoir exactement ce qui s'est passé. Eh bien, la catastrophe, c'était fatal et maintenant ?» Il se leva, traversa la pièce, regarda les titres de quelques volumes avec une curiosité à demi détachée, puis revint s'appuyer au linteau de la cheminée. Elle le regarda. « Et alors ?»« Non, rien, je ne peux pas. » « Qu'est-ce que vous ne pouvez pas ?»« Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas me rendre compte. » Il retomba dans son fauteuil et la tête renversée se mit à regarder le plafond. « J'ai été idiot. Je suis à bout de force. Je n'en puis plus. » « Eh bien, laissons de côté les explications. Ne parlons que de vous. Que voulez-vous » demanda-t-elle. Ce qu'il aurait voulu, c'était ne rien dire. Se relever et se remettre à marcher sans parler et presque sans penser dans la pièce. Il prit sur lui de rester assis et regarda Rose dans les yeux. « Vous avez été la perfection et je voudrais vous dire, je voudrais vous faire comprendre. » Mais non, tout cela était sans issue. Mieux valait essayer de répondre. « Pour les petits, n'est-ce pas ? Ça devait finir par un désastre, vous m'aviez prévenu. Mais cela me faisait tant de chagrin pour ces pauvres petits diables que j'ai essayé de m'aveugler. » Il avait la langue déliée à présent. La suite devenait plus facile. C'est Rose qui avait raison, comme toujours. Il fallait liquider l'affaire des petits. Après quoi, on verrait plus clair dans leurs affaires personnelles. Il reprit son récit assez désordonné et l'écoutait sans rien dire, avec ce silence d'une qualité si rare qui était toute attention et toute sympathie. L'irruption de la princesse Buon del Monte la fit sourire. Elle fronça le front et soupira en apprenant que Lady Wrench devenait menaçante. Quand il en vint à la sommation de Madame Water et au conseil d'obéissance qu'il avait donné à la jeune fille, elle releva les yeux et fit « À la bonne heure, vous étiez parfaitement dans le vrai. Vous croyez, moi je ne sais plus. Quand je l'ai quitté tout à l'heure à la porte de cet hôtel monstre ?» Elle le rassura d'un sourire. « Non, vous n'avez rien à craindre, même du nouveau luxe. Je comprends votre sentiment, mais je crois que je peux vous donner quelques nouvelles encourageantes. Comment cela ?» Rassurante pour l'avenir. Peut-être que la conversion de Madame Water n'est pas tout à fait chimérique. Je sais, en tout cas, qu'elle s'est entourée des meilleurs conseils juridiques. Elle est prête à se charger de tous les enfants, je parle des siens. Bien entendu, car pour les pauvres petits B... Vous l'avez donc vue ? Dit-il surpris. J'ignorais que vous la connussiez. Je ne l'ai pas vue, et je ne la connais pas. Mais j'ai un ami qui la connaît, devinez. C'est M. Daubry qui l'a rencontré au Lido en quittant Cortina. Daubry ? Il fit semblant d'avoir mal entendu. Lui-même ? Elle a eu l'heureuse inspiration de le charger de ses affaires et lui, bien qu'il n'aime plus prendre à son âge de nouveaux clients, il y a consenti, par pitié pour ces petits malheureux et aussi pour cette malheureuse. Et d'après lui, si elle veut bien suivre ses amis et ne pas s'embarquer dans de nouvelles difficultés, il ne doute pas qu'elle n'obtienne le divorce en sa faveur avec la garde des enfants. Eh bien, vous ne dites rien ? Ne pensez-vous pas que voilà de bonnes nouvelles ? Il ne répondait pas. Elle insista, légèrement ironique. « Je suis sûr que vous n'en espériez pas tant. Ce n'est pas du tout ça que je voulais. » Et comme il recommençait à se taire, elle lui demanda brusquement « Mais enfin, qu'est-ce que vous vouliez ?» Il la regarda d'un air vague comme si elle devenait soudain une étrangère, comme il arrive dans les rêves, où on ne reconnaît plus les visages familiers. « Daubry, » dit-il, « ce Daubry !» Elle se fâcha. « Vous êtes vraiment injuste, mon monsieur Daubry, Martin. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas seulement un juriste éminent, dont les conseils seront sans prix pour Madame Water, mais c'est un bon et sûr ami, et un cœur excellent, » ajouta-t-elle. « C'est possible, » dit-il sans l'écouter. Toute sa vieille jalousie à l'égard de monsieur Daubry se rallumait brusquement. Il aurait voulu à l'instant l'avoir devant lui, lui sauter à la gorge. « Mais qu'est-ce que vous espériez de plus ?» demanda Rose nerveusement. Il esquissa un geste là. « Dieu le sait. Et puis, qu'est-ce que ça fait ? Comment ? Cela ne vous fait plus rien que le salut de ces petits soit assuré ? Cela ne vous fait rien que dans ce naufrage, les voilà auprès de leur mère, sûrs de ne plus être ballottés de Caïphe à Pilate ? Ce n'est pas cela que vous vouliez ? Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait ? J'aurais voulu, je ne sais pas comment, les retirer de cet enfer. Je crois que vous exagérez. Ce ne sera plus un enfer si leur maman se charge d'eux comme M. Daubry garantit que cela sera. Vous êtes le premier à dire qu'elle les adore. Oui, d'une façon intermittente. Et en somme, si les beaux enfants retournent chez leurs parents, il n'y a rien de plus naturel. Vous me dites que la nouvelle princesse Buondelmonte est pleine de bonnes intentions et qu'elle n'a pas mauvais cœur. Reste Zini. Mais Zini, c'est la moins empruntée de toute la bande. On peut compter sur elle pour savoir se débrouiller. Je le crois, avoua-t-il. Eh bien alors ? Elle s'arrêta et reprit, cette fois avec plus d'insistance. Vous n'êtes pas content. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il la regarda encore de ce même regard qui ne la reconnaissait pas. Un mince obstacle impénétrable, une feuille de cristal semblait la séparer de lui, elle et tout ce qui l'environnait. Il avait fait le voyage d'où l'on revient avec une âme changée et étrangère. « Ce qu'il me faut. » Ah, cela, il ne le savait que trop bien. Ce qu'il lui fallait à ce moment-là, c'était de l'opium pour endormir la maudite souffrance qui lui tenaillait la chair et l'âme, pour l'empêcher d'entendre le rire de Judith, de sentir contre lui la pression de ses bras et de ses mains. Il était pris. Pris corps et âme, voilà tout. L'amour, ce n'était pas cette distraction délicate, cet aliment des rêveries qu'il s'était figuré quand il croyait qu'il aimait Rose. C'était cette obsession sans relâche, cette étreinte impitoyable, c'était cette torture de damné sur la roue, c'était ce déchirement de toutes les fibres de l'être. Et cela ne faisait que commencer. Une chose était nécessaire, il fallait s'en aller, fuir le plus vite possible, s'évader de cette chambre trop douce, quitter cette femme prête au pardon. Il essaya de produire une explication et commença maladroitement. « Allons, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. » Rose se tut. Mais ce n'était pas un de ces silences qui disent tant de choses. C'était comme un grand vide, un gouffre qui lentement s'élargissait entre elle et lui. Un moment, elle songea à le mettre en demeure de franchir cet abîme. Puis elle s'aperçut qu'elle souffrait, et que sa souffrance ne la paralysait pas moins que lui. Elle ne trouvait rien à dire, elle non plus. Sa détresse émut Boyne et la rapprocha de lui. Enfin, il se leva et lui tendit la main. « Vous êtes la meilleure amie que j'ai rencontrée et la plus chère, mais je m'en vais. Il faut que je trouve une occupation quelque part, loin d'ici, il le faut, à l'autre bout du monde, pour quelque temps. » Il ne prit pas la main qu'elle lui tendait, sans doute ne l'avait-il pas vue. « Vous oubliez votre parapluie, » dit-elle, comme il gagnait la porte. Il revint sur ses pas, avec un petit rire niais.